J'ai rêvé qu'un beau jour ma mère se retirait, qu'une marée d'amour allait nous amener au-delà des nuages, des ruisseaux, des volcans. On fera un voyage à l'épreuve du temps. On verra le cristal dans l'eau pure des rivières. Le reflet des étoiles sera notre lumière. Plus loin que tous les ponts, à la vie, toi et moi, on aura les accords de la vie dans la voie. La mer qui nous sépare est une goutte d'eau, une pluie de hasard au milieu de ces mots. La mer qui nous unit bien plus fort chaque fois, quand j'entends le maquis qui parle avec ta voix. Je suis trop loin de toi, je vis à vol d'oiseau, et je pense chez toi quand je te dis à bientôt. Je traverserai le désert et j'irai n'importe où, même au bout de cette terre, pour construire un chez nous. La mer qui nous sépare est une goutte d'eau, une pluie de hasard au milieu de ces mots. J'ai besoin de savoir à l'autre bout du fil la couleur des miroirs que tu vois sur ton lit. J'ai rêvé qu'un beau jour la mer se retirait. J'ai rêvé qu'un beau jour la mer se retirait. La mer se retirait.